J'ai fini de préparer dans le train et donc j'ai pas imprimé mon texte, comme ça aura le mérite que je lirai pas mes notes. Je pense que l'intervention, enfin ce que je vais vous proposer, c'est quand même assez complémentaire et décidément. Là ça devient plus surprenant. C'est complémentaire de ce qu'a fait. Si je le réduisais en bas, sans le fermer, comme ça il se couvrira pas. Et donc on va tenter comme ça. C'est très complémentaire de ce que Christophe a pu proposer, dans la mesure où on a une approche commune, hein, en fait, déjà à la base du regard qu'on peut porter sur un petit peu les relations entre l'espace vécu, l'espace agricole et les territoires. Enfin, cette articulation, on porte un regard tout à fait commun, ce qui fait qu'il n'y a pas de contradiction épistémologique dans les deux approches qu'on a proposées. Ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus dans l'amont, ou disons la phénoménologie des événements qui conduisent à la production des espaces que Christophe a décrits, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au moment des interactions unitaires. On a vu tout à l'heure une voiture dépasser un tracteur. Est-ce que ça va donner lieu le soir, parce que le gars l'a reconnu, à une remarque pour dire Je passe à la luminosité pour que la pile tienne plus longtemps. Ah oui, ok. Ouais. On est un petit peu pas tout à fait au même niveau d'observation. Je ne parle pas entre nous deux, mais entre les deux communications, c'est entre ce qui a été décrit. Alors la question, ce que j'avais proposé à une époque lointaine où je pensais avoir le temps, d'avoir pas mal de temps pour le préparer, c'était une réflexion sur, et des résultats normalement, sur les inflexions qu'on pourrait observer en tant que chercheur dans les pratiques et les discours des agriculteurs lorsqu'ils sont confrontés à leurs voisins de façon effective et non pas virtuelle, mais quand il se passe quelque chose. Et puis réciproquement, quand les voisins, dont Christophe a parlé, rencontrent un agriculteur en train de moissonner, qu'est-ce qui se passe ? Ces inflexions peuvent très bien être, je dirais, positives, dans le sens, c'est les plus fréquentes, je pense, d'après mon observation, disons, dans l'idée, c'est, les agriculteurs sont des pollueurs, mais quand on en rencontre un, on ne lui dit pas quand même, quoi. On lui dit bonjour et il est quand même assez sympathique, parce que c'est le voisin. Il peut y avoir des inflexions négatives, c'est-à-dire qu'on a une idée plutôt, bonne, par exemple, des agriculteurs. Toutes les enquêtes montrent que les Français ont une bonne opinion des agriculteurs en général, mais quand on en trouve un qui fait une certaine chose à un certain endroit, la situation d'interaction effective va peut-être amener à avoir un comportement, à révéler un comportement beaucoup plus agressif, ou disons, qui est peut-être en contradiction avec la représentation générale. Donc l'idée, c'est de travailler sur les décalages entre les représentations sociales, hein, donc on va y revenir, qui sont générales, et puis leur ancrage dans des situations particulières, et puis aussi l'adaptation des pratiques, pareil, générale, à des situations particulières. Un agriculteur a l'habitude d'épandre son fumier à telle époque, mais avec ce voisin-là, il sait qu'il faut venir un peu plus tard. Les chasseurs, pour prendre mon cas personnel, démarrent en général la chasse le jour d'ouverture de la chasse, dans le bois qui est à côté de chez moi, ils viennent le 11 novembre, donc ouais. On a une inflexion des pratiques liée à une interaction effective, parce qu'il y a effectivement des gens qui étaient là bien avant moi, des néo-ruraux, qui sont allés voir les chasseurs, qui se sont pris les choux avec. Et bon, on pourra arrondir les angles dans la chasse qui est juste au pied de chez moi, les chasseurs viennent le 11 novembre. Donc c'est ce type d'approche que je voulais essayer d'esquisser. Alors, que je voulais essayer de traiter. Donc finalement, je vais l'esquisser. Alors, il y a évidemment une actualité dans ces micro-événements, c'est qu'on peut considérer que ces micro-événements construisent les cultures réciproques, c'est-à-dire la place des non-agriculteurs dans la culture des agriculteurs et la place des agriculteurs dans la culture des citoyens ordinaires. Et que donc ça a un impact indirect et de nature politique sur les termes de la négociation global, ce que j'appelle le pacte agricole, enfin je ne suis pas le premier à l'appeler comme ça, disons, la place des agriculteurs dans la nation et par exemple la contribution fiscale qu'on est prêt à consentir pour leur survie ou si possible même pour leur bien-être dans une société apaisée, bien sûr, post-2013. Il y avait la société post-carbone, nous on est en train de préparer la société post-2013. On a vraiment des incertitudes, on ne sait pas ce que ça va donner. Je pense qu'on ne peut pas traiter ces méga-problèmes, ces méta-problèmes, sans avoir une réflexion sur ce qui fonde finalement la place de chacun dans un ensemble. Deuxième élément d'actualité, et ça fait tout à fait écho à ce qu'a pu dire Christophe, c'est-à-dire qu'on a un renouvellement rapide des populations qui vivent à la campagne, sachant que là on pourrait discuter, mais disons, à toutes les échelles, dans les bourgs ruraux, dans les villages. Alors les villages n'ont pas le même sens pour Christophe et pour les Bretons, puisque chez nous c'est les hameaux, les villages, donc on va dire chez nous dans les petits bourgs, et effectivement dans les hameaux-villages, et puis également dans les fermes, puisque il y avait 55 000 exploitations agricoles en 1955 en Ille-et-Vilaine, il en reste 10 000, donc il y a quelques maisons, quelques fermes qui sont habitées par des non-agriculteurs. Donc voilà, donc c'est vrai qu'on a un renouvellement des populations très important et que donc les équilibres liés à ces interactions effectives changent lorsque les protagonistes changent. Les accords qu'on avait avec un voisin peuvent être mis en cause quand le voisin change. Et c'est vrai aussi dans l'autre sens, quand l'agriculteur change. Parce qu'avec l'agrandissement des exploitations, il est très fréquent que l'agriculteur qui exploite la parcelle à côté de chez moi change. Beaucoup plus rapidement que le renouvellement des sièges d'exploitation. Donc, on peut imaginer que passer du temps à s'occuper de ça, c'est pas totalement inutile, qu'il y a une certaine actualité en termes, d'intérêt, je dirais, public à se poser ce genre de questions. Alors évidemment, du point de vue, d'une géographie rurale, et ça me donne l'occasion de me présenter, du point de vue d'une géographie rurale, on a une évolution, je passe la diapo rapidement pour que vous compreniez ce que je veux dire, entre une vision, je dirais, des années 40-50, où il y avait effectivement une très grande différence et des relations très particulières entre les gens des villes et les gens des campagnes, vers la un peu nébuleuse, mais néanmoins très réelle encore dans les années 70-80, distinction entre les sociétés, les sociabilités au moins urbaines et rurales, pour arriver aujourd'hui finalement à un clivage qui est peut-être... qui reste assez pertinent et assez, assez complexe sur certaines questions, pas sur toutes, qui est la distinction entre des habitants et usagers non agriculteurs, puis les agriculteurs. Moi, j'étudie toutes ces questions-là à l'origine de ma formation d'un point de vue agricole, donc je suis ingénieur agricole de formation, et j'ai travaillé en lycée agricole et puis j'ai fait une thèse de géographie parce que je voulais élargir le regard et arriver à intégrer la question agricole dans une vision un petit peu plus large qui intègre l'ensemble des composantes en interaction dans les espaces agricoles. Je ne cherchais pas à tout connaître du monde entier, mais déjà comprendre comment l'activité agricole s'insérait dans son espace fonctionnel. Et j'avais fait le tour de France à pied à 20 ans, je m'étais aperçu que les loisirs, c'était quand même quelque chose d'assez étonnant, puisque finalement l'espace agricole français était assez perméable, et que déjà au départ, dans la question de recherche que je me rappelle avoir rédigée en deux pages pour proposer un sujet de mémoire de DEA à l'époque, master, j'avais expliqué que les loisirs m'intéressaient parce qu'ils amenaient à des interactions effectives. Ils amenaient à du dialogue réel, à des rencontres réelles, à des poignées de main, à des verres de cidre. C'était pas aussi virtuel que la question de l'eau. Entre celui qui fabrique l'eau potable et celui qui la boit, il n'y a pas forcément de contact direct. Ou même que la question du paysage, où souvent c'est assez virtuel, vu que c'est assez peu mis en mots. Et ça, voilà. Donc... j'essaie de faire, une géographie des rapports entre les êtres humains dans l'espace. Et donc, plus particulièrement, des rapports entre les agriculteurs et les non-agriculteurs dans des espaces définis, donc là où ça se passe. Et donc, j'ai eu la chance en 2005 d'être recruté à l'Université Rennes 2. Et donc, je suis maître de conférence de géographie dans un laboratoire qui s'appelle ESO, Espace et Société. C'est un excellent laboratoire. Où je me plais beaucoup parce que je travaille avec des gens qui ne s'occupent pas du tout de la campagne et qui donc me foutent une paix royale. Et aussi parce qu'ils ont une approche de la géographie sociale, qui est une géographie assez... qui reste un tout petit peu militante dans le sens que on pense que le partage de l'espace, c'est pas forcément que des gentils, quoi. Il y a des enjeux de pouvoir et que c'est peut-être important de comprendre qui a le pouvoir dans les interactions, qui est capable de faire valoir son point de vue, qui est capable peut-être aussi d'accepter parfois de façon assez grave pour lui des inhibitions. Il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où ils tolèrent, ils supportent des choses mais qui leur font mal. Et donc ça peut amener à des mal-vivre, des mal-être, des difficultés professionnelles. Donc c'est, tout ça, c'est assez important de voir que le partage de l'espace finalement n'est pas neutre, quoi. C'est quelque chose qui fonde le contrat social mais qui fonde aussi les relations, les sociabilités locales. Et puis qui peut, dans certains cas, lorsque on le verra, les gens n'ont pas de possibilité d'évitement, conduire à des difficultés personnelles. Voilà, j'ai dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur l'agriculture à ESO, c'est quand même vrai et faux, c'est-à-dire qu'ESO est sur 5 sites, hein, 5 universités, Rennes, Nantes, Angers, Caen et Le Mans. Et donc sur Rennes, moi je suis le seul à travailler sur l'agriculture, il y a un collègue qui travaille au Lycée David sur les services en milieu rural. Mais par contre, sur les autres facs, on a quand même un réseau d'une bonne vingtaine de personnes qui sont compétentes sur les questions agri-rurales, on va dire. Et qui ont cette sensibilité-là, et on a formé un petit réseau entre nous, et on travaille, on répond à des appels d'offres, on travaille ensemble en recherche. Donc, bon, il se trouve que les travaux sur lesquels je vais m'appuyer sont des travaux de thèse que j'ai fait plutôt seul, des travaux sur un programme en direct où j'étais le seul représentant des eaux, et des travaux qu'on fait ensemble, mais dont les résultats ne sont pas encore traités. Donc, on ne peut pas dire que ce que je vais présenter soit vraiment une production du laboratoire. Néanmoins, à travers les séminaires, etc., les concepts que j'utilise ont été discutés. Enfin voilà, je suis un peu dans le même contexte que Christophe, dans une logique quand même où on essaie de construire un regard sur l'espace collectivement. Alors, le but de ma com, c'est évidemment d'éviter les simplifications simplifiantes, c'est-à-dire de faire attention. Les agriculteurs, en termes d'interaction, ça ne veut pas dire grand-chose. Les voisins, ça ne veut pas dire grand-chose. Les lieux, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, essayez d'aller de donner les outils qui permettent de comprendre des situations particulières. Ces situations particulières, bien sûr, étant intégrées dans des schémas de représentation qui sont collectifs et dans des organisations spatiales qui sont territoriales, donc partagées. Mais, j'essaie d'aller un petit peu au-delà d'un modèle qui dirait les agriculteurs, les habitants, le territoire. Je vais descendre au niveau moi, toi, là. Voilà. C'est l'intégration de ces moi, de ces toi et de ces là qui présente éventuellement des effets politiques globaux. Mais les processus sont bien dans un aller-retour entre le général et le particulier. Et moi, j'ai une entrée plutôt par le particulier. Voilà. Alors, ce que je présente, c'est pas des résultats, mais ça s'appuie sur des résultats. Donc, il faut que vous sachiez sur quoi je me base pour me permettre de venir à Paris dire des choses. À Nanterre, oui, je suis passé par Paris tout à l'heure, mais vu de Rennes, c'est vrai que, bon, c'est quand même appuyé sur, un certain nombre d'éléments, mais qui n'ont jamais été une recherche directement sur l'effet des interactions effectives sur les changements de pratique. Je les ai abordés de différentes façons. Alors, je commence par les choses les plus récentes, et en fait, c'est les choses les plus anciennes qui me serviront le plus aujourd'hui, donc je terminerai dessus. Actuellement, dans le cadre d'un projet qui s'appelle DITFOR, dans le cadre des projets PSDR, DITFOR, c'est pour dynamiques territoriales et foncières dans les espaces ruraux en transition du Grand Ouest, qui est un projet porté par le laboratoire, il y a plusieurs volets de recherche, mais en gros, ça rebondit tout à fait sur ce que disait Christophe, on essaie de voir comment des espaces ruraux, deuxième, troisième couronne, ou première couronne, mais des petites villes, ils ont des espaces qui sont en voie d'urbanisation actuellement, qui sont en train d'être intégrés dans la logique urbaine. Comment ces espaces réagissent en quelque sorte à cette situation, et en particulier comment les dynamiques agricoles, qui restent des dynamiques agricoles de filière, clairement, pour l'essentiel, s'adaptent ou ne s'adaptent pas, ou anticipent sur ces réactions, et alors autour d'un enjeu foncier, qui est à la croisée des chemins, de ces logiques de filière et de ces logiques territoriales urbaines. Alors moi, je m'occupe plus particulièrement je coordonne un volet de recherche qui s'intéresse aux évolutions des usages et des représentations du foncier en question. Alors, dans les usages, il y a bien sûr des gens qui achètent le foncier, donc il y a des collègues qui travaillent sur le marché. Moi, je travaille vraiment sur les usages, quel que soit le propriétaire, qu'est-ce qui se passe, et les représentations. Voilà. À travers des entretiens de groupe, d'agriculteurs, d'agricultrices, d'habitants, puis après, selon les terrains, on voit, il y a un terrain où j'ai interrogé, j'ai fait un groupe d'associatifs, un autre terrain où on a réuni des propriétaires fonciers, bailleurs, et des élus communaux. Donc le problème, c'est que c'est en cours, c'est pas encore décrypté, mais bon, j'ai fait les entretiens moi-même, donc il y a des éléments qui participent à cette réflexion, mais je peux pas présenter de résultats très concrets là-dessus. J'ai travaillé aussi sur la vente directe, en comparant les dynamiques donc entre 2005 et 2008, l'enquête, je l'ai finalisée en 2008, sur les motivations des agriculteurs qui font de la vente directe. Alors, je suis d'accord avec Christophe, ils sont pas plus ni moins nombreux au bord des villes qu'ailleurs. En tout cas, pour ce qui nous concerne, où on n'a pas de production comme les productions viticoles. Si on prend Dijon, c'est faussé par le fait qu'il y a le vignoble aux portes de la ville, mais disons que en dehors du monde viticole, la vente directe, voilà, elle est dispersée. Chez nous, en Ille-et-Vilaine, à un taux d'à peu près 5% des producteurs. Et c'est une question personnelle, d'histoire familiale, etc. Ça n'a à peu près rien à voir avec le marché. Les gens font de la vente directe pour des raisons qui leur sont propres et ils sont sur une exploitation pour des raisons biographiques. Donc il y a disjonction entre la localisation des exploitations en vente directe et la localisation des marchés, en tout cas pour ce qui concerne la Bretagne. Un tout petit effet littoral, mais très minime. Par contre, dans ces questionnaires sur les motivations, il y avait toute une partie sur est-ce que vous discutez avec vos clients, quelles questions ils vous posent, etc. Et là, j'ai des éléments intéressants, mais que je ne développerai pas aujourd'hui, mais dans le débat, on peut en discuter. Mais il y aurait quelque chose à creuser sur la manière dont les clients font évoluer les pratiques des agriculteurs qui sont en vente directe, et aussi la manière dont les agriculteurs s'adaptent aux attentes supposées ou exprimées de leurs clients, etc. Donc, là, il y a des interactions effectives parce qu'il y a aussi des visites de ferme, il y a du face-à-face sur les marchés, etc. Et donc, bon, il y a des pistes de réflexion. Alors, la principale source que je vais utiliser, ça reste sur ce sujet-là ma thèse de doctorat, qui était sur les usages récréatifs de l'espace agricole et qui a été édité sous forme d'un bouquin. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil, j'ai des bons de commande, je n'ai pas de droit d'auteur, mais voilà, plus tant qu'à faire, sinon je vais oublier. Il y a aussi un bouquin dans lequel Colline a écrit, là, si vous voulez, pareil, profiter du séminaire pour regarder, vous pouvez le faire. Bon, je n'avais pas prévu de présenter trop en détail mon parcours et tout ça, mais je pense que cette thèse, elle est quand même fondatrice de mon entrée en géographie, ça c'est clair. C'est pour la faire que je suis devenu géographe, et c'est en la faisant que je suis devenu géographe. Nicole était ma présidente de jury. Bon, enfin, c'est quelque chose qui m'a mis dans le monde de la géographie, sachant que quand j'ai proposé le sujet au départ, je l'ai proposé en double, par prudence, en géographie et en sociologie, n'ayant pas d'a priori. Je ne regrette pas d'avoir été tiré par un professeur de géographie, monsieur Massé, à Rennes. Donc cette thèse, elle consistait finalement, vu que je travaillais, j'avais des enfants, tout ça, j'ai pris un territoire assez accessible, l'Ille-et-Vilaine, là où je vis. J'ai choisi trois communes au départ. Enfin, je voulais faire quatre communes, une commune périurbaine, une commune rurale, banale, pour vous situer, 1800 habitants, pas d'école publique, ce qu'on appelle du rural profond chez nous, et une commune littorale. Commune littorale. J'avais prévu une commune aussi, mais je n'ai jamais pu le faire. Pas le temps, dans une région, parce qu'en Ille-et-Vilaine, les terres valent 6 000 euros au nord du département, 2 000 euros au sud du département. Donc, dans une région où l'agriculture est beaucoup plus difficile, c'était intéressant aussi de voir si les tensions économiques sur les modèles agricoles changeaient la problème. Bon, j'ai jamais pu le faire. Mais les trois secteurs que j'ai étudiés donnaient quand même une idée. Donc, à 8 km de Rennes, au bord de la mer, tout près de Saint-Malo, donc un hotspot européen du tourisme, et puis Saint-Germain-en-Cogle, près de Fougères, une commune, disons, du rural traditionnel, on va dire. Donc j'ai essayé d'abord de crédibiliser mon sujet qui était comment un espace peut servir à la fois à la production agricole et aux loisirs. Parce qu'il y a des gens, même des gens éminents, qui ont écrit que les loisirs, bon, c'est pour les zones de montagne, tout ça. Et moi, j'étais persuadé que c'est là où il y a des habitants que la demande de loisirs était la plus forte, donc plutôt dans les zones urbaines et plutôt dans les zones peuplées en général. Sachant qu'en Bretagne, on a un cas particulier, c'est que les zones les plus peuplées, ce n'est pas les villes. En Ille-et-Vilaine, sur 1 million d'habitants, il y en a 200 000 dans la ville de Rennes. Donc attention, on n'est pas à Toulouse. Hein. Donc c'est l'inverse, hein, à Toulouse. 1 million d'habitants dans le département, 800 000 dans la ville. Vous voyez, ce n'est pas les mêmes rapports. Donc on a l'hypothèse était que cette cohabitation, elle est d'autant plus nombreuse, prégnante, que l'espace est très agricole. Parce que si l'espace est très agricole, c'est-à-dire que les gens n'ont pas le choix, il faut qu'ils aillent dans l'espace agricole pour leur loisir. Et deuxièmement, qu'il est très peuplé. Donc finalement, l'Ille-et-Vilaine, c'était pas mal. Et j'ai commencé par crédibiliser mon sujet en faisant des questionnaires auprès des agriculteurs, 176. Donc j'ai essayé de prendre tous les agriculteurs des communes. Et dans les communes où il y avait encore à l'époque, j'ai commencé en 94, des quantités d'agriculteurs, je prenais un sur deux aléatoirement. Pour justement éviter le phénomène de sélection un petit peu. Hein, tout est fait de pied, et avoir une notion de contiguïté pour voir si, par exemple, le long d'un chemin, il peut y avoir des problèmes différents quand on passe d'un agriculteur à l'autre, etc. Donc, plutôt une méthodologie quand même pour essayer de comprendre un peu les territoires communaux, comment ils fonctionnent. Et puis, j'ai vu dans ces mêmes communes et à Rennes, au porte-à-porte, j'ai fait moi-même les 464 questionnaires usagers, donc on était courageux à l'époque. Et c'était intéressant de voir comment les habitants pris au porte-à-porte avaient ou n'avaient pas des expériences de l'espace agricole pour leur loisir. Et puis ensuite, j'ai choisi parmi les 176 qui avaient répondu au questionnaire, 18 de mémoire ou 16, je ne sais plus, agriculteurs, que je suis allé voir chez eux et j'ai fait le tour de la ferme avec eux, ce que j'ai appelé des entretiens bottes aux pieds, pour essayer de comprendre comment ça s'inscrivait dans le territoire à l'échelle du parcellaire. Et là-dessus, bien sûr, avec Christophe, on est sur les mêmes approches, c'est-à-dire qu'on pense qu'il faut descendre au parcellaire et même parfois à la partie de parcelle, au lieu, au locus, quoi, hein, au pixel géographique. Pour arriver, je dis comme ça, mes étudiants ils comprennent comme ça, sinon le lieu ils comprennent pas, mais le pixel ils comprennent tout de suite. Donc voilà, c'est important de voir que dans le même champ, parfois, d'un côté les choses se passent, ça n'a pas le même effet que si ça se passe de l'autre. Et voilà, donc cette thèse a montré que premièrement, il y a des usages de loisirs sur toutes les exploitations agricoles, 176 sur 176, que deuxièmement, 80% des Français que j'ai interrogés, des gens que j'ai interrogés, avaient des pratiques personnelles de l'espace agricole, qu'il y avait un assez grand parallélisme entre les normes qui président à ces usages. Par exemple, le pourcentage de gens qui pensent que les terres doivent être ouvertes à tous est le même chez les agriculteurs que chez les habitants, à peu près les deux tiers. On aurait pu imaginer que les agriculteurs seraient plus défensifs en disant non, les terres c'est chez nous, puis que les citadins seraient plus invasifs. On disait les gens de la FNSEA à l'époque n'avaient pas voulu travailler avec moi en disant de toute façon, il ne faut pas parler de ça, ils vont encore venir plus nombreux. Donc, les gens de la Confédération d'ailleurs n'ont pas voulu travailler avec moi non plus à l'époque en disant que ce n'est pas un sujet prioritaire, donc ce n'est pas une question politique, mais ça montrait que non, les agriculteurs et les non-agriculteurs sont d'accord que ces usages de loisirs ont un sens, etc. Et puis, on trouve la même chose sur les chemins. 80% à peu près des gens trouvent que les chemins, c'est tout à fait normal que les gens s'y promènent, même quand ils passent dans les exploitations agricoles. Là, on est au niveau des représentations. Quand on rentre dans la réalité, ben, ça va dépendre du chemin. C'est un petit peu l'objet du travail. Voilà, alors sur la thèse, j'en dis pas plus. Voilà, c'est un travail qui a été publié donc, en 2007, soutenu en 2002, publié en 2007, et qui donnait des cartes de ce genre. Donc, par exemple, ça, c'est une exploitation agricole périurbaine, hein, tant qu'à faire, je me suis dit je vais prendre un exemple périurbain pour rebondir un peu sur le travail de Christophe. Donc déjà une ferme qui n'est pas d'un seul bloc, bon, c'est pas, il y a un kilomètre à peu près entre les deux bouts de la ferme. Le siège d'exploitation, on le voit ici. Et donc on a toute une partie autour des animaux, c'est une ferme d'élevage, hein, donc qui est en prairie, disons quasi permanente, non retournée. Il peut y avoir parfois quelques... dans la rotation, la mise en prairie des autres champs, mais quand j'y suis allé, moi, il y avait vraiment une césure entre la partie culture sur toutes les terres dispersées, puis la partie élevage. Sachant qu'il y a une petite prairie ici, prairie permanente humide, là, et donc l'agriculteur amène des génisses en les passant par un chemin compliqué pour tenir compte de toutes les propriétés. Oui. Juste Michel, c'est à peu près combien... Elle est indiquée. Ah, ok. 200 mètres. Merci. Je suis content de l'avoir mise, j'aurais pu l'oublier. Très bonne question. Alors, c'est disons une exploitation d'une trentaine, enfin là sur la carte il doit y avoir de mémoire 35-40 hectares, c'est une exploitation moyenne. Il y a quelques hectares à l'extérieur de cette aire. Bon, rien de particulier à dire, exploitation vraiment banale, moyenne, typique de Bretagne, qui vend en laiterie, qui ne fait rien pour, ni pour ni contre la ville. Voilà, on voit déjà que le système est quand même contraint par de nombreuses circulations, donc il y a des routes, mais ça en Bretagne partout, ville ou pas ville, il y a des routes partout. Quand c'était assuré, là c'était du goudron sur cette carte. Et puis il y a des cheminements, hein, on voit des chemins ruraux qui existent. Alors, il y a des anciens gémis de cadastre sur cette carte pour montrer que dans les années 60, il y a eu quand même pas mal de mouvements. Là, ce chemin, par exemple, a disparu. Là, ce chemin-là a disparu. Ce chemin-là a disparu. Donc, ce qui reste, il y en a beaucoup, mais il y en a moins qu'avant quand même. Donc, c'est cet agriculteur lui-même qui a modifié le paysage, sans aménagement foncier. C'est à l'amiable. Par exemple, pour vous donner l'idée, entre lui et l'agriculteur qui a cette parcelle-là, ils avaient des champs dans tous les sens, ils ont fait leur remembrement à eux, et ils ont enlevé tout le bocage qu'il y avait entre leurs deux parcelles. Donc on verra qu'il reste, par exemple, un tas de souches ici qui date encore, on le voit encore aujourd'hui, qui date du remembrement de 65. Ils ont mis une montagne de chênes au même endroit. Et donc c'est resté une bosse, et puis il y a des lapins dedans. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans la carte sur la chasse, puisque évidemment ça intéresse les chasseurs. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne vais pas développer tout, je montre quelles sont les interactions effectives qui montrent que c'est. C'est assez riche. Donc, la chasse sur cette exploitation, elle est liée au statut foncier. Donc, vous avez une partie de la ferme qui a été, qui est familiale, qui est héritée des parents. Et donc, l'agriculteur a fait un GFA familial avec ses frères et sœurs. Et une autre partie de la ferme que l'agriculteur que j'ai interrogé a racheté par la suite à d'autres agriculteurs. Mécanisme d'agrandissement classique. C'était une petite ferme dans les années 60, ce qui est logique. Elle était d'ailleurs pour les années 60 pas si petite que ça. Hein. Donc il y avait une vingtaine d'hectares, c'était pas mal. Ce qui est intéressant, c'est que déjà l'agriculteur s'adapte à la situation. Donc ici, on est sur des terres familiales. Il se trouve qu'il a un frère chasseur. Qu'est-ce qu'il fait? Il accorde le droit de chasse au niveau du GFA à son frangin. Logique. Il ne va pas se fâcher avec les actionnaires de son GFA. Mais il n'est pas du tout favorable à la chasse, cet agriculteur. Il dit les chasseurs, ça va, ils ne font pas de dégâts, mais. Je veux dire, il ne fait rien pour eux, c'est. Voilà, chacun sa vie, mais voilà. C'est pas quelqu'un qui était content que son frère chasse. Il constate que son frère chasse, voilà, c'est tout. Il ne va pas se fâcher avec son frère pour ça. Bon, je signale quand même que le frère, il chasse que sur la partie pâturée où il y a les vaches. Hein, donc, voilà, c'est pas toujours forcément évident, parce que le frère, il a aussi envie d'amener les copains, il a le droit, en tant que titulaire du droit de chasse. Donc, bon, c'est pas forcément évident. L'agriculteur a fait un choix, il aurait très bien pu, on est sur une commune en société communale de chasse, on n'est pas sur une commune en ACCA. Donc en association communale de chasse agréée, donc il aurait pu garder pour son frère aussi, ou même pour personne, les terres qu'il a reprises. Il a décidé de les mettre à la société de chasse communale. Bon, c'est déjà une première, premier niveau, si vous voulez, un peu collectif comme ça, de réflexion, un peu stratégique hein, de réflexion sur l'adaptation aux interactions avec des individus existants. Le frangin dans un cas, je dirais les voisins au sens large, les habitants de la commune dans l'autre. Alors, ce qui est plus intéressant pour descendre au niveau des interactions réelles, c'est qu'est-ce qui se passe quand un chasseur vient chasser. Alors, déjà, vous remarquez que j'ai tracé un cercle de 150 mètres autour des maisons. Donc, première remarque, il y a beaucoup de maisons. On est en habitat dispersé, renforcé en plus par du mitage des années 70. Ici, c'est du faux lotissement des années 70 en mitage. Donc là, à l'époque, on allait voir le maire, le propriétaire, l'acheteur, le maire, et on signait. C'était bien. Résultat, normalement, les chasseurs, vous voyez, ils peuvent chasser que là. Ou un peu là aussi, près du tas de souches. Là. En fait, ils chassent partout. Ils chassent partout. Donc en gros, on est dans une logique donnant-donnant. Moi, agriculteur, je vous laisse chasser partout, même auprès de la maison, hein, partout. Et la plupart des riverains aussi. Mais en échange, c'est moi qui fixe les règles. C'est-à-dire, voilà, si, voilà, la façon de traverser les cultures, etc. Donc, je pourrais développer. Cet agriculteur-là, aussi bien avec son frangin qu'avec les gens du village, il est très précautionneux. Enfin, il ne veut pas qu'on appuie sur les fils, enfin, et il le surveille effectivement. Je passe sur la chasse parce que c'est assez. Finalement, la situation de cet agriculteur est assez banale. Vous avez ici des choses autour qui concernent plus les habitants du village en général, les habitants de la commune qui fait 8000 habitants, parce qu'il y a un sentier de randonnée référencé au niveau de la commune qui passe ici. Un autre sentier qui passe ici, là, hop, hop, hop, fléché. Et qui va tourner un peu plus loin. Ce sentier, l'adjoint au maire voulait qu'il passe ici. Il n'y avait pas de chemin, mais il était prêt à acheter les mètres carrés pour faire un chemin, parce que c'est très joli. Bon, voilà, il y a un étang, tout ça. Alors l'agriculteur a refusé, a négocié, a dit non, non, il n'y a pas de raison, il y a un chemin un peu plus loin, voilà. Donc déjà, l'agriculteur s'est mis dans une position, disons, un peu redevable par rapport à la municipalité, c'est-à-dire qu'il a obtenu une faveur, que la municipalité ne mène pas bien son projet. D'autant plus qu'ici, il y a un chemin qui est lui, par contre, bien référencé sur le cadastre, qui est un chemin rural, et qui est au milieu, vous voyez, il coupe le système de pâturage de l'agriculteur. Donc ce chemin n'a pas disparu, mais il est inclus dans les clôtures à vaches, il est hors usage, en fait, en quelque sorte. Juridiquement, on a le droit de passer, puisqu'on a un droit général de circulation en France, mais un piéton citadin de base ne passe pas. Et donc, double, un petit peu double dérogation par rapport à l'adjoint au maire qui habite là. Donc, aussi, relation de voisinage avec l'adjoint, qui ne voulait pas non plus se fâcher avec un agriculteur voisin, mais l'agriculteur sait que du coup, voilà, bon, donc... Donc cet agriculteur, il est très tolérant avec la promenade, à part ces deux petites entorses, puisque ici, par exemple, ça se promène beaucoup le long de ses parcelles, et puis là, ici également. Et voilà, c'est pas quelqu'un qui va mettre des déchets dans les chemins. Enfin, il fait attention avec ses engins, il passe pas quand c'est trop humide, etc. Alors les interactions, elles portent sur les mauvais comportements, si on veut, quoi. Donc, par exemple, quand des cavaliers passent au milieu des parcelles en hiver au lieu de suivre le chemin, donc là, par exemple, l'agriculteur va aller s'expliquer avec les cavaliers, physiquement, de façon très claire. Et ce qui est drôle, c'est que ça l'amène à expliquer aux cavaliers où c'est qu'il faut passer. Alors, il faut savoir que, enfin, dans mes enquêtes, le cheval, c'est un des loisirs les moins bien tolérés par les agriculteurs, et pour des raisons diverses que je n'ai pas le temps de développer. Mais cet agriculteur qui n'aime pas beaucoup les cavaliers non plus, eh bien, il se retrouve en pédagogue expliquant aux cavaliers que si, ils peuvent passer chez lui, il n'y a pas de problème, mais par le chemin. Et donc finalement, il oriente même les cavaliers vers le bon chemin, on va dire, et donc finalement à venir chez lui, parce que le chemin passe chez lui. Et donc ça veut dire que cette interaction, elle l'amène à avoir un argumentaire sur les bonnes pratiques des cavaliers dans la campagne. Il trouvait ça assez fort quand même. Et du coup, il est allé discuter des bonnes pratiques avec le responsable du haras privé qui habite un peu plus loin et dont les cavaliers circulent. Et il se trouve que les cavaliers qui passaient là, c'est plutôt ceux qui allaient vers le haras. Donc, du coup, il explique, il va lui-même avec sa voiture, il va voir le gars du haras, il lui dit, bah, t'es cavalier, voilà, il faudrait leur expliquer qu'il faut voilà, faire d'une façon. Donc, il y a finalement par rapport à une... En interview, c'est quelqu'un qui sur son questionnaire met les cavaliers... voilà, moins il y en a, mieux je me porte. Mais en fait, effectivement, il est amené à faire de la pédagogie auprès des cavaliers. Je trouve que là, il y a quelque chose d'intéressant. Et puis, on a un petit peu la même chose. Donc, j'avais mis les cavaliers ici. Et on a un peu la même chose sur les ramasseurs de champignons, parce que cet agriculteur n'est pas un agriculteur biologique, mais c'est quelqu'un de raisonnable. Et du coup, dans ces pâtures-là, qui ne sont pas retournées depuis longtemps, il y a pas mal de champignons, des rosés, des prés. C'est assez vaste, il y a une vingtaine d'hectares de pâture d'un seul tenant. Et donc, il y a pas mal de gens qui viennent chercher des rosés. Comme il dit, de toute façon, moi, je suis agriculteur, je n'ai pas le temps de les ramasser. Donc, il dit, je sors de la traite à 7h et je vois des gens en train de ramasser mes champignons. J'aurais bien été, mais j'étais en train de travailler. La stratégie globale de la plupart des agriculteurs que j'ai rencontrés, plus de 80%, c'est de dire, mais les gens, ils peuvent ramasser, c'est strictement illégal, je signale quand même. Hein, toute cueillette de végétaux sur terrain privé est soumise à l'accord du propriétaire. C'est très différent du droit de circulation qui, là, est un droit constitutionnel français, mais les champignons, il faut demander l'autorisation. Néanmoins, pas de problème, les gens peuvent ramasser les champignons. Par contre, sur les champignons, cet agriculteur-là, il va au-devant des gens quand les gens se rapprochent trop de la ferme. Mais alors, c'est pas trop dans le sens... Tout à l'heure, on a vu que les chasseurs, ils les laissaient chasser au pied de la porte. Il ne les connaît pas plus, les chasseurs. Hein. Pas forcément. Hein. Bon, à la rigueur, c'est les amis de son frère. Bon, mais je connais beaucoup d'agriculteurs qui laissent chasser jusqu'à leur porte. Ils ne connaissent pas forcément les chasseurs. Par contre, les champignons... Il y a un côté, là tu me nargues, quoi. Franchement, venir me chercher les champignons, déjà je suis au boulot, je ne peux pas les cueillir, mais en plus tu viens les chercher au pied de la maison, il ne faut peut-être pas exagérer. Donc en gros, il dit aux gens, restez sur la partie un peu éloignée des pâtures, quoi, hein. Restez, cueillez les champignons par là-bas, mais venez pas trop près de la maison. Mais ce n'est pas une question d'intimité, c'est une question de rapport aux champignons. Et effectivement, ça amène à faire prendre conscience aux individus qui ramassent les champignons qui sont sur un terrain privé et qu'ils interfèrent avec un domaine, au sens domaine privé d'une personne. Et puis, néanmoins, il faut retenir quand même que cet agriculteur laisse les choses se faire. Donc, finalement, il construit une réglementation spécifique à sa ferme qui serait qu'il y a un zonage et puis qu'il y a un droit qui n'est pas un droit en dur, si vous voulez. C'est un droit que l'agriculteur, une tolérance, bien sûr, que l'agriculteur laisse au ramasseur de champignons sous certaines conditions. Donc, il y a une construction de droit qui se fait. Alors ça, c'est très fréquent. J'ai beaucoup observé ça. Des constructions de droit interpersonnelles, sachant que le droit peut différer d'une personne à l'autre. Parce que les gens se connaissent. Hein. C'est pas, voilà. Donc, toi, tu as le droit d'entrer, mais l'autre là-bas, non. Alors, qu'est-ce que je peux essayer de travailler à partir de ça? Deux constats. D'abord, il y a effectivement des effets, des interactions sur les discours et les pratiques. Et deuxièmement, il y a des enjeux. Alors, les effets, c'est que moi, j'observe de façon récurrente des phénomènes d'accommodation comme ceux que je viens de vous décrire. Hein, les propos sont globalement plutôt plus tolérants. Alors, je vais en grande ligne, hein, je ne peux pas développer, mais je pense que les propos et les attitudes sont plutôt plus tolérantes et plus diversifiées, plus riches sur le terrain qu'en salle, en vrai qu'en représentation. Vous voyez ce que je veux dire ? On est plus dans la caricature quand l'agriculteur parle en répondant à un questionnaire, encore plus quand il est en réunion publique. Vous voyez, on voit que les postures sont beaucoup plus complexes quand on est dans les champs avec l'agriculteur et qu'on parle des choses réelles. Deuxième élément, les jugements sont quand même globalement moins tranchés sur les individus que sur les catégories auxquelles ils appartiennent. Les gens vont avoir des jugements beaucoup plus riches sur monsieur un tel agriculteur que sur les agriculteurs, et réciproquement. Troisièmement, ça conduit à une hybridation, et ça rejoint aussi un des propos de Christophe, de façon une hybridation très, très, très, très riche, très complexe, entre les caractères d'espace public et les caractères d'espace privé de l'espace agricole. Sachant que ce qu'on appelle la publicisation de l'espace aujourd'hui, c'est un processus territorial actuel, mais qu'il y a toujours eu une composante d'espace public de l'espace agricole en France, hein, évidemment. Donc, c'est pour ça que je préfère le terme d'hybridation, mais cette hybridation prenant des formes différentes selon les lieux, et là, le périurbain, effectivement, est un espace sensible, et prenant aussi étant très différent d'une production à l'autre, par exemple, dans les vignes, dans les champs, c'est pas pareil, dans les prairies, c'est pas pareil, et puis, très différent, bien sûr, d'un agriculteur à l'autre, puisqu'il y a des agriculteurs qui font respecter le code civil et qui peuvent aller très loin dans le respect du code civil en étant méchants, entre guillemets. Ils ont le droit, ils ont le droit sur beaucoup de choses. Les enjeux. Alors les enjeux, moi je pense qu'il y en a beaucoup. Est-ce qu'on doit isoler ou sanctuariser l'espace agricole pour le protéger? Ou est-ce qu'au contraire c'est une bonne idée qu'il y ait du monde qui circule dedans pour le protéger? Je me rappelle de discussions intéressantes sur les incendies de forêt. Est-ce qu'il faut chasser le public de la forêt pour le protéger des feux? Le public, c'est lui qui met le feu, mais c'est aussi lui qui signale les incendies. Donc voilà, on est sur cette logique-là, quoi. Est-ce que finalement, pour que l'espace agricole garde une place dans des communes périurbaines aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement que les habitants électeurs en aient une expérience positive et le défendent, parce que c'est un espace où ils trouvent du plaisir? Donc les agriculteurs n'ont pas forcément intérêt à blinder, je dirais, à protéger, surprotéger leur espace. Là, il y aurait beaucoup de discussions à tout niveau, à la fois sur l'habitat, sur les chemins, etc. Est-ce qu'il faut plutôt aller vers des interactions contractuelles avec des chemins balisés, des réglementations et des zonages? Ou est-ce qu'il faut plutôt laisser agir ces interactions effectives et ces régulations interpersonnelles? C'est une vaste question. À mon avis, ça dépend des lieux, mais on voit bien qu'il y a des tendances. C'est-à-dire, il y a des gens qui aimeraient tout réglementer. Je pense que les collectivités sont très mal à l'aise avec cette question. Hein, en gros, il y aurait un espace qu'on réglementerait, qui serait sous notre contrôle, puis un espace qu'on préférerait laisser aux agriculteurs, mais il ne faudrait pas que les gens y aillent, sinon on aura des problèmes à gérer. Donc, une espèce de sectorisation, par exemple, c'est très net sur les chemins, alors que je pense personnellement que l'intérêt d'être sur Terre, c'est aussi de se confronter un petit peu aux autres et de pouvoir élaborer des choses. Donc, aseptiser la vie trop, ben, à la fin, ça peut aboutir. J'ai des exemples dans des communes où on a fait une étude, que je n'ai pas mentionnée d'ailleurs, sur les pratiques agricoles des habitants de Rennes sur l'espace agricole proche, où on voit qu'il y a des communes qui aseptisent leur espace agricole de façon très marquée. Quoi. C'est-à-dire qu'on arrive à l'absolue non-rencontre, presque à des non-lieux dans la logique d'OG, hein, sur des espaces agricoles où on ne rencontrera surtout pas un agriculteur. Et les gens nous disant, bah oui, on a aménagé tout pour qu'il n'y ait pas de rencontre. Alors heureusement qu'il n'y a pas de rencontre, c'est super. Je pense aussi qu'il y a une question sur, si on poursuit, sur multifonctionnalité zonage. Le zonage, les aménageurs savent à la fois ses avantages et ses inconvénients, ils maîtrisent. La multifonctionnalité, voilà, ça reste aujourd'hui un challenge, quoi. Ça reste quelque chose qu'il faut crédibiliser. Et pour le crédibiliser, moi, je trouve qu'une bonne méthode, c'est de montrer que les gens sont capables de gérer de façon pertinente beaucoup d'interactions. Alors, la commande que vous m'aviez passée, c'était effectivement les effets observés, observables des interactions. Et le bon de livraison dit que je vais vous donner plutôt une grille de lecture sûre, parce que je n'ai pas eu le temps de reprendre toutes mes données pour vous faire, par exemple, des typologies d'interactions. Ça sera à faire. Alors, je pense qu'on ne peut pas aborder ces questions-là sans avoir une vision un petit peu large. C'est un intérêt d'être géographe pour ça. Donc là, ambition à la Dimeo, le temps, la société, l'espace. Bon, concrètement, je pense que les interactions ont un avant, un pendant et un après. C'est-à-dire que avant que quelqu'un vienne chasser, il y a eu un droit de la chasse. L'agriculteur sait très bien que son terrain est chassable. Vous voyez, il y a un avant. Et puis, il y a des interactions sans face à face. C'est-à-dire, il y a des moments, tiens, on a des traces, on a des marques, quelqu'un est venu, mais on ne sait pas qui. On ne sait pas trop pourquoi. Tiens, il y a une roue de vélo sur le chemin. Bon, tiens, il y a un VTT qui est passé. Ça, c'est encore, je dirais, avant l'interaction effective. On est déjà dans une interaction spatiale. Hein. On voit que les gens, l'agriculteur me montre des traces de sabots de chevaux. Mais il ne sait pas qui est passé. Donc, on ne peut pas négocier encore là. Mais on sait qu'il s'est passé quelque chose. Puis, le face-à-face, qui est le moment fort de l'interaction. Et puis, éventuellement, aussi bien l'agriculteur que l'usager, quand il rentre chez lui, il fait le bilan de l'opération, ça travaille dans sa tête. Et il est en train de faire ce qu'on appelle l'ancrage, c'est-à-dire qu'il modifie sa représentation sociale de l'autre. Il adapte, il construit. Et donc, quand on parle d'interaction effective, il faut savoir de quoi on parle, quoi. Est-ce qu'on est sur ce déroulé-là, ou est-ce qu'on étudie que des face-à-face, par exemple, ou est-ce qu'on étudie que des interactions potentielles, enfin, etc. Moi, évidemment, ce que j'aimerais étudier, c'est des face-à-face, mais très souvent, je ne peux pas, parce que je ne peux pas les saisir. Donc, j'ai plutôt tendance à étudier la séquence, mais telle qu'elle m'est racontée après. Donc, forcément, il y a un biais. Autre élément, c'est articuler l'individualisation des interactions avec les appartenances sociales et les représentations sociales véhiculées par les individus. Donc ça, c'est la base, mais il ne faut pas l'oublier. C'est pas parce que je travaille au niveau de l'individu que je travaille avec des individus isolés de leur corps social, bien entendu. Et puis, et bien sûr, inscrire les interactions dans l'espace géographique. Donc, l'espace est un actant, pour parler jargon, très important de ces interactions. J'essaie de faire une transcription simple de ça. C'est deux personnes qui, à un moment donné, interagissent dans un espace. C'est les ingrédients de base de la recette. Alors, pour comprendre les relations entre moi et toi, c'est avant tout des relations entre deux êtres humains. L'un est agriculteur, l'autre pas. D'ailleurs, le toi, il peut très bien être un autre agriculteur. Parce que c'est très intéressant d'étudier, de demander aux agriculteurs ce qui se passe quand ils sont en vacances, ou quand ils vont faire du VTT chez les voisins. C'est donc deux individus humains, et donc moi j'ai recours à la psychologie sociale qui me semble avoir apporté quand même des choses extraordinaires dans qu'est-ce qui fait que voilà, on se comporte d'une façon ou d'une autre les uns par rapport aux autres. Donc je ne vais pas développer dans cette communication, mais je pense que pour faire un travail sérieux, il faut aller chercher les travaux des psychosociologues. Et, voilà, par exemple, je citais à Colline tout à l'heure le travail de Sylvie Kergrès sur les bords de champs, comment la psychosociologie nous explique les rapports des agriculteurs à leurs bords de champs. Ça, formidable. Donc, c'est une science qui est très, à mon avis, très utile pour travailler ces rapports rural-urbains. Et j'essaie de lire un peu ce qui se fait. Bon, j'ai pas forcément des lectures à jour, mais en tout cas, c'est important. Alors, les rapports entre l'autre et le lieu, ils relèvent à la fois d'une géographie des loisirs et du tourisme, si on veut, mais aussi d'une géographie agricole, dans le sens que là, c'est l'exploitation agricole de l'agriculteur qui est moi dans mon chemin. Et donc, je me place du point de vue des agriculteurs, c'est une formation, une déformation agricole. Donc, l'espace vécu des relations à autrui, c'est l'espace des relations de l'agriculteur à quelqu'un qui vient chez lui. Donc, c'est ce que j'appelle la logique de l'invitation, la logique de il y a quelqu'un chez moi, quoi. Qu'est-ce que ça dit? Et moi, j'approche ça là en géographe, hein, à partir de toute la théorisation de l'espace vécu. En intégrant, on va voir tout à l'heure, l'écoumène de Berck, par exemple, c'est-à-dire l'espace vécu à toutes les échelles. Frémont, avait, en 1974, avait sorti ça à l'échelle régionale, mais Desfontaines a dit la parcelle est un espace vécu, le champ est un espace vécu, 1991, et puis bon, peut-être que pour Berck, l'homme est un espace vécu. Puisque pour Berck, l'espace que nous vivons est partie intégrante de nous-mêmes. Alors, évidemment, le là, je vais y revenir, oui. Le là, je l'aborde par une approche topologique. C'est-à-dire que je considère que le là, ce n'est pas les coordonnées GPS, c'est le lieu en rapport avec les lieux avoisinants, c'est la configuration de ces lieux. Alors, en psychologie sociale, je passe très vite, c'est pour dire juste que moi, je vais chercher les représentations de Moscovici et Jodley, etc. C'est la base. Les interactions interpersonnelles, moi, pour ma thèse, j'avais lu L'Écuyer, 1976. Ça me va très bien. Il faudrait que je vérifie si... Oh, il y a sûrement eu des travaux depuis. Ce que je veux dire, c'est que la question de l'expression de soi dans l'interaction, elle ressort très fort dans mes études. C'est-à-dire, les agriculteurs parlent d'eux-mêmes, s'expriment en disant quelque chose à un individu. Il s'exprime aussi en barrant un chemin, il s'exprime en le laissant ouvert, c'est-à-dire c'est quelque chose qui relève un petit peu de la construction de sa place dans l'espace social. Et puis, très important, l'autre, surtout l'autre chez soi, comment les individus gèrent le facteur de risque que ça représente. Alors, je sais pas, moi j'ai beaucoup été influencé par la Borie, je viens aussi j'ai fait des études agricoles, donc la biologie, ça me parle, et c'est vrai que Henri Laborie dit face à un danger, on a trois solutions, hein, la lutte, la fuite ou l'inhibition. Et finalement, les agriculteurs sont un petit peu là-dedans, quoi. Donc, la lutte, ben, ça serait les interactions qui produisent un résultat. La fuite, c'est je me barricade pour qu'il n'y ait pas d'interaction, ou bien je plie bagage. Mais ça, c'est plutôt... La fuite, elle est quand même beaucoup plus vécue par les usagers qui vont éviter une zone, parce qu'ils ont eu des possibilités d'évitement. Et puis, l'inhibition... C'est-à-dire, je tolère, je supporte, mais je souffre. C'est ma maladie psychosomatique qui se fabrique. Donc là, il y a des choses à faire sur les analyses, disons, du vécu intime dans les interactions. Et puis, j'ai toujours trouvé très intéressant la théorie de l'équilibre d'Argile. C'est une théorie qui explique pourquoi on ne se regarde pas les yeux dans les yeux quand on est dans un ascenseur. C'est-à-dire que dans les relations interpersonnelles, vous avez un certain nombre de facteurs. Et quand les individus gèrent la somme des facteurs. Et quand un facteur monte, il faut qu'il y en ait un autre qui baisse. Donc si, par exemple, la proximité spatiale augmente, eh bien, l'intimité physique va devoir diminuer. Et ça explique que les interactions ne sont pas de même nature quand vous avez quelqu'un qui passe dans votre cour et puis quelqu'un qui passe à un autre endroit de la ferme aussi pour ces raisons-là. C'est-à-dire qu'il y a, des éléments psychosociologiques de base de l'interaction interhumaine quoi, qui peuvent être mobilisés. Je pense qu'on peut faire aussi, par effet métaphorique, appliquer la théorie, disons à un échelon un peu plus important, sur les configurations spatiales. Et puis, bien sûr, je pense qu'on en a discuté hier, qu'il reste des sociabilités de voisinage qui sont quand même assez différentes à la campagne qu'au centre-ville ou qu'à Nanterre Université. Et je pense que, par exemple, les agriculteurs, quand ils disent qu'ils sont très sensibles au dire bonjour, et que le dire bonjour, ça ouvre des portes, c'est quand même assez spécifique à des sociabilités, disons, rurales, pour parler simplement. Je passe sur tout ce qui est espace public, espace commun, j'insiste beaucoup là-dessus. Je m'appuie sur Étienne Tassin, comme Vincent Banos par exemple, mais en l'interprétant différemment. Toutes ces questions, évidemment, interrogent l'espace agricole en tant qu'espace ouvert au public et public par certains éléments. Je vous proposais j'ai essayé de réfléchir à la manière dont je pouvais croiser cette question de l'espace public avec la question, disons, les approches psychosociologiques, en disant finalement, l'espace public, c'est le chemin dans l'espace agricole, le chemin rural, l'espace public juridique. Et c'est vrai que les promeneurs en général, qu'on n'a pas besoin de connaître sur les chemins en général en tant qu'entité juridique, et pas tel chemin identifié, mais les chemins, eh bien, ça ne pose pas tellement de problèmes. L'autre est représenté, c'est les promeneurs. On est finalement dans quelque chose qui est peu problématique pour les agriculteurs. Les agriculteurs ne sont pas contre la promenade, pas du tout, pas en France. Les chasseurs de la commune, on est déjà plus, à cause de la Révolution française, dans quelque chose qui relèverait de l'espace commun. Parce qu'il y a des droits spécifiques pour les habitants de la commune dans une société de chasse, et également parce que beaucoup d'agriculteurs me disent « je ne peux quand même pas me permettre d'interdire la chasse aux gens de la commune ». Enfin, il y a un côté comme ça post-révolutionnaire qui reste en France sur la chasse très important. évidemment, qui est très différent en Alsace-Moselle ou encore plus différent en Angleterre. Rien à voir. Donc c'est bien lié à notre histoire. L'autre, il est là, hein, on voit ses traces, mais on n'interfère pas forcément individuellement. C'est pas avec la chasse que les agriculteurs interviennent le plus. Hein, parce que, en plus, ils ont un interlocuteur, le président de société de chasse, etc. Alors là où c'est plus... c'est riche, quoi, c'est intéressant, c'est dans l'espace privé juridique, donc sur les parcelles, et en particulier parce que ça se traduit beaucoup par du face-à-face. Et là, effectivement, on a des interactions fortes, je dirais. En gros, c'est comme en chimie, les promeneurs sur les chemins, c'est des liaisons faibles avec l'agriculteur, et puis quelqu'un qui vient ramasser les champignons près de chez vous, là, il y a une liaison forte, quoi. Il va y avoir un contact, je dirais, viril, en quelque sorte, c'est-à-dire, ils le vivent comme ça, les agriculteurs, on y va, quoi. On se frictionne et on produit des effets. Alors finalement, avec les promeneurs, il y a, surtout si le chemin est balisé, il y a relativement peu d'interactions. Alors bon, je parlais de l'écoumène. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de réfléchir. Si je ne peux pas interpréter finalement avec la théorie de l'écoumène, essayer d'améliorer, de Berck, hein, la lecture d'Augustin Berck, si ça ne peut pas m'aider à mieux comprendre ces interactions. Donc ça, c'est un petit test. Voilà la théorie de la médiance en très simple. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? Non mais... oui, j'imagine. Non, c'est juste parce que... bon, je ne peux pas la développer. Donc, en gros, voilà, on interfère... pour les agriculteurs, c'est très opérant pour moi, parce que le geste technique, forcément, la fabrication de l'empreinte spatiale, c'est facile à comprendre. Et les éco-symboles, quand on mange des produits AOC, enfin, on a une assez grande facilité à transcrire ça sur l'espace agricole. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, on pourrait essayer de dire que, il y a, puisque, bien sûr, le milieu, hein, il est habité, c'est un milieu humain, mais ça, je pense qu'on est tous d'accord. Dans le cas de l'interaction effective, il n'est pas habité abstraitement, il n'est pas habité par les habitants, il est habité par la voisine. Il y a quelque chose de particulier qui vient concrétiser ce caractère habité du milieu. Et puis, ce n'est pas n'importe où, c'est dans un lieu. Et donc, on a une incarnation particulière de la relation de médiance ou de la relation écuménale, comme on voudra, qui peut s'interpréter. Hein, donc, j'ai mis en orange l'agriculteur, en vert la voisine, et puis le lieu. Alors, ça veut dire que la relation, elle n'est plus entre un agriculteur et le lieu, mais elle est entre l'agriculteur et le lieu, avec des effets de rebond, c'est-à-dire que la manière dont l'agriculteur va vivre son espace va avoir des effets sur le voisin, et le fait que le voisin soit là va avoir des effets sur la manière dont l'agriculteur vit son espace, bien sûr. Donc, le voisin va s'intégrer à la relation au lieu de l'agriculteur. J'essaie de parler vite et simplement. Alors évidemment, c'est réciproque. C'est-à-dire que ce que fait l'agriculteur va aussi modifier le rapport, l'expérience géographique du voisin. Hein, évidemment. L'action du voisin modifie mon milieu, je fais partie du milieu de vie du voisin, donc empreinte matrice, donc évidemment, c'est, si on le comprend comme ça, on peut comprendre que les enjeux interindividuels sont forts. Hein. Alors évidemment, les relations entre les deux individus sont également très largement instruites, et là je pense que Nicole nous rejoindra mieux, par des normes. Entre des normes sociales, hein, interindividuelles, qui sont indépendantes du lieu, plus ou moins. Les réglementations françaises sur les comportements sont relativement peu dépendantes du lieu, encore que, elles sont très dépendantes du fait qu'on est loin ou près du domicile, elles sont dépendantes du fait qu'on est dans un lieu de travail ou pas, elles sont dépendantes du fait qu'on est dans un espace protégé au niveau de la nature ou pas, par exemple. Donc c'est un des trois principaux facteurs de négociation dans mes enquêtes, c'est le respect de la propriété privée au sens surtout du logement, du travail et de la nature. Donc voilà, les normes, elles fonctionnent à ce niveau-là. Et puis, les formes des lieux qui vont modifier la relation selon qu'il y a un mur entre les deux ou au contraire qui se voient, etc. Donc c'est une petite schématisation à partir de la théorie de la médiance pour voir comment on pourrait interpréter et lire ces questions d'interaction effective. Et puis j'en arrive mon approche la plus personnelle, c'est-à-dire de dire finalement ces interactions effectives, elles ont lieu dans une structure spatiale qui est l'espace agricole et qui est informée par des topologies. Alors, dans le bouquin, il y a trois pages sur les topologies, donc je ne redéveloppe pas, mais les topologies donc approchent des lieux, je dirais, les uns par rapport aux autres, en positionnement relatif. Je distingue, moi, trois types de topologies. On va dire, mathématiquement, trois topologies dans les mêmes lieux. Des topologies concrètes, c'est-à-dire que tout être humain normalement constitué les éprouve de la même façon. Par exemple, si ça monte en vélo, tout le monde va transpirer. C'est une topologie concrète. Il y a un lieu plus haut que l'autre. Si on va dans l'autre sens, tout le monde descend. Topologie concrète, je dirais qu'elles ont un caractère physique, mais parfois ça peut être la lumière, hein, c'est pas forcément physique au sens large. Et elles ont un caractère facile à partager, c'est-à-dire facile à communiquer, parce que tout le monde les expérimente de la même façon. Pas tout à fait tout le monde. Il y a des études très intéressantes à faire sur les aveugles et handicapés dans l'espace rural, par exemple les Anglais ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais, hein, voilà. Donc, quand même, globalement, la plupart des gens, quand il y a une haie, les gens voient bien qu'il y a une haie, ils ne voient pas trop ce qu'il y a derrière, à part les extralucides. Donc, logiquement, on peut arriver à s'entendre sur les effets des topologies concrètes. C'est plus compliqué sur les topologies personnelles. Les topologies personnelles, pour moi, c'est le rapport au lieu, enfin, c'est la hiérarchisation des lieux ou les rapports entre les lieux qui sont propres à un individu. C'est-à-dire que parmi les 20 maisons d'un lotissement, elles sont toutes les unes par rapport aux autres. Les topologies concrètes, c'est qu'elles se succèdent, que celles qui sont à l'ouest empêchent ceux qui sont à l'est d'avoir du soleil sur leur terrasse le soir. D'accord ? Ça, c'est les topologies concrètes. Par contre, ma maison, parmi les 20, et les maisons de mes deux voisins, c'est des maisons particulières. Et pour chacun des voisins, sa maison et les maisons particulières sont particulières. Et les maisons voisines sont particulières. Ce que j'appelle les topologies personnelles. Parmi tous les arbres de la ferme, celui où j'ai donné mon premier baiser, où j'ai gravé les initiales avec ma copine quand j'avais 17 ans, c'est un arbre particulier. Okay ? On va dire que c'est des hauts lieux de l'individu. C'est donc, on va considérer que l'espace topographique, il a une... Comme, si vous savez, il y a des cartes qui sont des anagrammes qui sont faits où on montre par la carte de France, non pas avec le relief physique, mais avec le nombre de fréquentations touristiques. Alors vous trouvez Saint-Malo, une grande montagne, le Mont-Blanc aussi, une grande montagne. Ben là, c'est un peu ça. C'est-à-dire, chaque individu a sa carte du monde avec ses territoires à lui. Et puis, des topologies fonctionnelles, c'est-à-dire qu'entre deux chemins, tous les deux aussi jolis l'un que l'autre, ben celui qui débouche quelque part, ben il intéresse plus le promeneur que celui qui en même passe. Donc c'est une topologie fonctionnelle. Le chemin que l'agriculteur utilise pour ses vaches ne va pas avoir la même signification que celui qu'il utilise. Donc voilà une ferme virtuelle. Voilà les ruisseaux, voilà les chemins. Voilà la limite de l'exploitation. Le local, enfin la ferme, hein, les bâtiments de la ferme, l'habitation, etc. Voilà les terrains qu'on ne voit pas depuis la ferme. Avec les limites de visibilité, donc liées à la pente. Hein. Puis par contre, là, l'autre côté de la vallée, ça remonte. Alors à nouveau, on revoit. De la ferme, on peut surveiller ce qui se passe, d'accord ? Donc, voilà. Voilà les hauts lieux pour l'exploitant. Les lieux auxquels il tient. Alors c'est virtuel, hein, mais en fait on pourrait faire sur une exploitation réelle, mais bon, c'est ça que j'ai pas eu le temps de faire en fait. Mais je pense que c'est plus simple. Bon, on va imaginer un agriculteur, donc déjà autour de chez lui, pour plein de raisons, l'arbre où il a gravé ses initiales ici, le long de la route, et puis un étang où il va, enfin c'est un étang, peut-être, je sais pas, son grand-père l'a creusé, je sais pas, enfin il y tient beaucoup. Tout ce qui est autour de cet étang, il veut pas que n'importe qui y pêche, enfin, on sent qu'il y a une tension, il y a quelque chose, il y a un enjeu, voilà. Imaginons une situation comme ça. Donc ça va être mes topologies personnelles, ok, c'est la maison et puis c'est le chemin. Et puis, il y a un voisin qui a acheté, enfin il y a une maison qui est là depuis longtemps, donc il a sa petite parcelle. Il y a un voisin, donc, fonction habitat, hein. On va le laisser habiter quand même. Il habite là, c'est un habitant, donc voilà. Donc, pour moi, ça fait partie des topologies fonctionnelles, c'est-à-dire que les agriculteurs n'ont jamais cherché à chasser chez eux leurs voisins. Voilà. Il y a aussi des itinéraires officiels, donc un itinéraire pour les canoës sur la rivière, et puis un itinéraire de randonnée basique qui suit, qui passe un peu sur la route. Alors, voilà, là c'est une route hein, qui dessert la ferme, ici aussi c'est une route. Puis après c'est des chemins le long de la rivière, là, puis un chemin rural. Voilà. Voilà les éléments. Donc en gros, si vous voulez, tout ce qui est au début de la légende, c'est des topologies, ça relève de topologies plutôt concrètes. Le chemin, c'est bien pratique quand on veut circuler, etc. Tout ce qui est au milieu, ça relèverait plutôt de topologies personnelles. Sachant que, bon, les limites d'exploitation, ce n'est pas une topologie, mais enfin pour l'agriculteur, il sait ce qui est chez lui et ce qui n'est pas chez lui. Donc on va dire que ça fait une petite hiérarchisation quand même assez significative dans les lieux. Et puis vous avez des topologies fonctionnelles, il y a un habitant, il y a des chemins de randonnée, etc. Qu'est-ce qu'on peut imaginer là-dessus ? Il me reste combien de temps ? Je pense que ça commence à être chaud. J'ai trois diapos. Hein. Donc imaginez des promeneurs qui circulent sur le chemin. Ah, c'est. Voilà. Moi, ce que j'ai observé, c'est que les agriculteurs, ils sont moins de 1% à mettre des bâtons dans les roues des promeneurs sur des chemins déjà référencés. C'est très risqué pour un agriculteur de faire ça. Sur des chemins non référencés, on arrive à 5%. Mais des chemins référencés, aller enlever des balises, tout ça, ça existe, mais c'est très rare. À la rigueur, mettre un fil en travers, ça Ça, c'est courant, pour des raisons pratiques liées aux circulations des vaches. Parfois, on laisse le fil, quand il n'y a plus de vaches. Là, j'ai vu des choses assez savoureuses qui sont d'ailleurs, je crois, que j'ai mis dans le bouquin, parce que c'est. Il y a du jeu, hein, du jeu. Non. Mais bon. Donc, ça, ça va. Bon, si le voisin, ici, il promène son chien en faisant le tour, là, c'est typique pour promener son chien, c'est très bien. Il va passer pas loin de la ferme, tout ça. C'est pas du tout un problème, sauf si c'est un andouille. Mais la plupart du temps, les agriculteurs me disent, nous, le principal intérêt des loisirs, c'est les rencontres. Et en général, les agriculteurs sont de bons voisins. En général. Enfin, moi, les gens, les agriculteurs me disent que leurs voisins, les agriculteurs que je rencontre me disent que leurs voisins les plus difficiles, c'est les autres agriculteurs. Et les non-agriculteurs me disent que leurs voisins les plus difficiles, c'est les autres non-agriculteurs. Mais si vous voulez, entre agriculteurs et non-agriculteurs, les voisinages, je trouve, en général, en tant que simple strict voisinage, c'est assez correct. Et moi, les agriculteurs que je rencontre me disent souvent, mais si, personne ne se promène, sauf un tel, le voisin. Donc ça, c'est... Ça crée des sortes de jurisprudence, ça pose un problème aux agriculteurs. C'est-à-dire, si on voit des gens se promener sur un chemin, on pense qu'on peut s'y promener. Donc, voilà. Du coup, ils gèrent ça. Ils arrêtent les gens en disant, non, le voisin, oui, mais vous, non. C'est sûr que si c'est tout le monde qui commence à passer sur le petit chemin qui est devant la ferme, il est possible que cet agriculteur va réagir et s'arranger pour que ça ne se passe pas trop comme ça. Parce qu'on peut imaginer, par exemple, que ici c'est une route goudronnée, donc que les gens se disent, bah, tiens, je vais passer tout droit, je passe. Ou même pour faire des variantes. Donc, il va y avoir une gestion liée à la proximité de la ferme. Et puis, bien sûr, si quelqu'un prend une impasse et va se perdre là, il va y avoir forcément, la plupart du temps, une action, une interaction, pas forcément agressive, mais de redresseur de tort, on va dire, pour dire, voilà, qu'est-ce que vous faites là, qu'est-ce qui se passe, vous êtes perdu. Donc, finalement, ça va amener à une gestion très différenciée des situations selon les gens et selon les lieux. C'est ça que je veux montrer, quoi. Bon, je prends un autre exemple. Pêcher sur une rivière où tout le monde pêche, même si il y a assez peu d'associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui passent des accords formels avec les propriétaires riverains pour demander des droits de passage. À partir du moment où tout le monde pêche, il y a une espèce d'accord tacite, pêcheurs qui suit le long des rivières. C'est d'ailleurs un des modes d'accès aux fonciers les plus courants avec la chasse. On est obligé de passer dans les parcelles le long des rivières pour pêcher. Ça pose en général pas trop de problèmes, même si les pêcheurs ont une image assez moyenne chez les agriculteurs. Par contre, le gars qui viendrait, s'aventurer à pêcher un peu n'importe où dans des fossés. Les agriculteurs ont toujours, avec les pêcheurs, par exemple, un problème parce que les pêcheurs arrivent toujours par l'envers du décor. Le mode d'accès normal de l'homme à l'espace rural, c'est les routes, puis après les chemins, puis les sentiers à la rigueur. Et les pêcheurs, ils arrivent par le réseau hydraulique. C'est pas, si vous regardez l'espace rural, c'est en peigne, en fait. Hein. Donc, vous arrivez dans la partie la plus intime des parcelles, la partie où en gros, c'est un peu bourru. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait du monde qui arrive par là. D'un coup, tiens, il y a quelqu'un dans la parcelle. Donc, les pêcheurs souffrent, c'est une hypothèse que je fais, souffrent d'une image minorée à cause de leur mode d'accès à l'espace agricole qui n'est pas orthodoxe en quelque sorte. Les chasseurs, dans l'espace chassable, pas trop de problème. En plus, là, je l'ai placé dans un espace qu'on ne voit même pas. Pas de problème. Près des maisons, ça va dépendre complètement de l'agriculteur. Et là, c'est une logique. Il y a des agriculteurs qui défendent comme des citadins le droit de ne pas avoir de chasseurs qui viennent chasser au pied de la maison, qui rappellent la règle des 150 mètres. Il y a 6% des Français, mais pas 6% des Françaises, qui chassent, et 17% des agriculteurs qui chassent. Donc c'est pas, l'écart n'est pas si énorme que ça. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui ne sont pas chasseurs, et qui, et là-dedans, il y en a une proportion qui n'est pas particulièrement. Donc ça va dépendre de l'agriculteur, et ça va dépendre aussi du chasseur. C'est-à-dire, selon que l'agriculteur là est propriétaire ou fermier, ça va changer un peu, mais il va y avoir une régulation, même parfois en dépit du droit, de qui peut venir près des maisons. Puisque près des maisons, l'habitant a le droit pour lui. Donc il peut négocier. Donc l'habitant agriculteur comme les autres. Alors, par contre, effectivement, si on voit les chasseurs commencer, j'avais imaginé. Oui, alors tuer le lièvre dans la cour, bon, c'est moyen. Ils ont le droit de le poursuivre, mais ils n'ont pas le droit de le tuer quand même. J'imaginais, par exemple, les chasseurs venant faire un repas de chasse, vous voyez, 4-5 chasseurs déballant des canettes, etc. Et puis en laissant, parce que chasseurs et pêcheurs sont pas très nets au niveau des déchets, au pied de l'arbre où il y a nos initiales gravées. Donc là, l'agriculteur va réagir. Donc on est typiquement sur des choses qui peuvent surprendre l'usager, parce que l'usager ne sait pas que c'est un haut lieu de l'agriculteur. Donc il va y avoir un accommodement un peu compliqué à faire. Ce que j'ai essayé de vous proposer, c'est un outillage conceptuel un peu repris, sauf les topologies là, que je développe, mais cohérent pour essayer de travailler ces questions-là, hein, pour interpréter au mieux les interactions perçues par le chercheur, comprendre comment ces interactions effectives modifient bien sûr les discours, les pratiques, mais aussi modifient les représentations. Parce que les représentations sociales sont instruites par les expériences des individus qui composent les groupes sociaux qui construisent ces représentations. Donc, il y a un effet d'écumage, hein, d'écrémage, d'écumage au sens de l'écume de la confiture. Hein. Donc, il va y avoir quelque chose de tout ça qui va faire évoluer les représentations sociales des agriculteurs, des usagers, des chasseurs, etc., des habitants. Et puis, bien sûr, une très grande difficulté pour arriver à observer les interactions effectives de façon crédible. Et là, je n'ai pas la solution vraiment, quoi. Hein. Je trouve que déjà, interroger les gens chez eux, c'est très bien. J'apprends beaucoup en allant sur le terrain avec les agriculteurs parce qu'il y a une sorte de vérité des lieux. Si vous voulez, dans le triangle, moi, toi, là, quand je suis dans les lieux avec l'agriculteur, il ne manque plus que toi. Mais j'ai déjà moi et là. J'ai déjà deux des éléments du cocktail, quoi. Et ça crédibilise le discours. L'agriculteur va me raconter des choses qui lui viennent à l'esprit parce qu'il est dans le lieu. Et donc, ça donne une certaine forme de vérité. Mais j'ai pas de preuve en quelque sorte, souvent. Il faudrait pouvoir aller voir l'autre personne qui a été en interaction, croiser les discours, etc. Donc, une démarche que pour l'instant, je n'ai pas le temps de faire, mais que je trouverais intéressante de faire. Voilà. Et puis, bon, le mieux, c'est d'en discuter.